Perles de rêve de Jean Cordy, enregistré pour LibreVox par Cathy Barrett. Perles de rêve. Une perle luit et repose dans le sein d'une jeune rose, au calice vermeil et pur. Que seras-tu, perle éphémère? À l'aurore, vierge chimère, je serai nuage d'azur. Une larme paraît et brille dans l'œil doux de la blanche fille, que nul frisson n'agite encore. Que seras-tu, larme tremblante? À la première aube troublante, je m'envolerai, rêve d'or. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.